Merci. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Il est un peu tôt. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Où il fait meilleur qu'ici. Ça, c'est bien fait. Tout ça pour vous dire que si on était des chameaux, bande de chameaux!